Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin. La nuit rêvée de Serge Klarsfeld. Bonsoir Serge Klarsfeld. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous ce soir et de vous être prêté au jeu de cette nuit rêvée. C'est sur vos suggestions que nous avons choisi les archives que l'on va pouvoir écouter tout au long de cette nuit. Grâce à vous, nous allons pouvoir entendre les voix de Beate Klarsfeld, votre femme, de Claude Lanzmann, de Julien Gracq, de la cantatrice Kirsten Flagstadt. Nous écouterons des émissions consacrées à Arthur Koestler, à Casanova ou encore à Marcel Cerdan. Vous allez nous dire de quelle façon chacune de ces personnalités fait écho à certains de vos souvenirs, à vos goûts, à votre vie tout simplement. Cette vie que vous nous aviez racontée dans des mémoires écrites à quatre mains avec votre femme Beate, elles étaient parues en 2015. Et cette vie dont un pan est raconté en ce moment dans une très belle exposition que l'on peut voir jusqu'en septembre prochain au Mémorial de la Shoah à Paris. Elle s'intitule « Beate et Serge Klarsfeld, les combats de la mémoire » et raconte ces luttes menées aux côtés de votre femme, en particulier pendant la décennie 1968-1978, période particulièrement intense pour vous, combat notamment pour que soient retrouvés et jugés les criminels nazis qui ont organisé la solution finale, mais combat aussi contre toutes les formes d'antisémitisme et leur résurgence aujourd'hui et pour la mémoire du génocide. L'une des forces de cette exposition, m'a-t-il semblé, ce qui frappe en tout cas lorsqu'on la visite, c'est qu'elle raconte de très belle manière comment votre engagement public à vous et à celui de votre femme est ancré très profondément dans votre histoire intime, votre histoire personnelle à tous les deux, d'une manière différente pour chacun, mais toujours ensemble, l'un aux côtés de l'autre, comme si l'engagement public était aussi absolument un engagement intime. Est-ce que ce serait juste de le dire comme ça ? Oui, c'est un engagement intime, parce que quand nous nous sommes mariés à la mairie du 16e, le maire qui nous a unis nous a dit « vous êtes mon premier couple franco-allemand et soyez exemplaire ». Et bon, on n'avait pas tellement l'intention de l'être, mais finalement le destin a fait que nous avons mené une action qui est peut-être exemplaire. Voilà. L'exposition rappelle assez tôt le récit de votre rencontre, un beau jour de mai dans les années 60. Dans vos mémoires, vous racontiez aussi tous les deux, l'un après l'autre, le souvenir de cette journée-là. Ça se passait, je crois, dans une station du côté de la Porte de Saint-Cloud. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette rencontre ? À la Porte de Saint-Cloud même, où nous avons toujours vécu à partir du moment où nous nous sommes rencontrés. Moi, j'y vis depuis pratiquement ma naissance. Je suis né à Bucarest, mais mes parents sont installés à la Porte de Saint-Cloud en 1936. Et j'avais un an, et donc depuis je suis à la Porte de Saint-Cloud, j'ai pas bougé, même si nous sommes allés dans le monde entier, nous n'avons pas bougé, et nous nous sommes rencontrés au métro Porte de Saint-Cloud. Moi j'allais à Sciences Po, elle allait à l'Alliance Française, et donc j'ai un peu dragué à Michel-Ange Molitor. À Michel-Ange Molitor. J'ai eu le courage de lui parler, et puis voilà, depuis... Vous avez fait un bout de chemin ensemble, c'était le 11 mai 1960, dans vos mémoires, vous notez que c'est le jour même, je crois, de l'enlèvement d'Eichmann à Buenos Aires. Mais ça nous a pas tellement frappé à l'époque, n'étions pas engagés, et donc ça nous a intéressés, mais pas frappé particulièrement. Notre vocation ou notre engagement ne date pas de ce moment-là, mais de quelques années après, en 1967. Alors précisément, 1967, 1968, c'est la décennie qui a été choisie par le commissaire de l'exposition, Olivier Lallieu, qui s'est concentré sur ces années 1968-1978, qui correspond donc au premier temps de cet engagement commun. C'est le moment où la conviction qu'il faut agir se forme chez vous comme chez votre femme. Et parmi vos premières actions compte celle visant à dénoncer le passé du chancelier de l'Allemagne fédérale, Georg Kurt Kiesinger, qui avait été élu en décembre 1966 et qui était un ancien haut fonctionnaire du parti nazi. Votre femme Beate, en 1966, choisit d'en parler dans un article de presse, ce qui lui valut d'être renvoyée à l'époque de son poste. Elle était secrétaire à l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, point de départ d'un combat de plusieurs années jusqu'au geste spectaculaire de Beate, dont nos auditeurs se souviennent peut-être, qui en avril 1968, au cours d'une séance au Parlement de Bonn, gifla le chancelier Kissinger. C'est pas tout à fait exact. Alors, corrigez. En avril 68, voyant que la présenté dans les universités, dans la presse, le dossier que nous avions constitué du chancelier qui avait été non pas un haut fonctionnaire du parti nazi, mais un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères chargé de tracer les lignes directrices de la propagande hitlérienne. Eh bien, à ce moment-là, voyant que les dossiers n'avaient pas d'effet, eh bien, nous avons décidé de passer à des actions spectaculaires qui obligeraient les médias à parler du dossier. Et donc, Beate, au Parlement allemand, s'est levée alors que le chancelier parlait, et elle a crié Kissinger nazi démission, et elle a vu à quel point il était frappé, il s'est arrêté de parler et le passé lui avait sauté à la figure. Et donc nous avons décidé de trouver une action qui toucherait tous les Allemands et leur ferait comprendre l'erreur qui avait été celle de la société politique allemande de se donner un chancelier nazi. Et nous avons conclu que la gifle, vu l'âge de Beate, vu l'âge du chancelier, eh bien, serait considérée comme la gifle que la fille infligerait à son père. Et ça a été le cas. Beate a bravé la mort parce que les gardes du corps avaient tiré leur revolver pour l'abattre, mais ils n'ont pas pu tirer parce que Kissinger, quand il a reçu cette gifle, était entouré d'autres hommes politiques. Et puis, elle a risqué sa liberté puisqu'elle a été condamnée immédiatement, le jour même, à 1 an de prison ferme. Mais le résultat a été atteint. La jeunesse allemande, qui était déjà en ébullition, s'est mobilisée contre le chancelier. Et Beate a mené une action, une campagne pour Willy Brandt, qu'elle connaissait, qui était le maire de Berlin. Elle était berlinoise. Et Willy Brandt, lui, était l'inverse du passé de Kissinger. Lui, il avait choisi la résistance et il avait combattu contre les nazis, bien calmement. Et donc, aux élections, à la surprise générale, Willy Brandt a pu devenir chancelier et Kissinger n'a pas eu assez de voix pour être réélu. Quand vous dites, nous avons pensé que symboliquement, la gifle, c'est la gifle d'une fille face à son père, était frappante, c'est aussi le symbole d'une génération de jeunes Allemands qui marque une rupture avec le passé. Ils n'étaient pas conscients de cela parce que les nazis étaient nombreux dans tous les domaines de la vie publique, étant donné leur âge, ceux qui avaient 30 ans en 1940, en 1960, en avaient 50. Et 50, c'est l'âge où on occupe des hautes responsabilités partout. Donc les diplomates, la plupart étaient nazis, les militaires étaient les militaires de l'armée allemande, partout, les fonctionnaires, la justice était infestée d'anciens magistrats nazis, mais les gens ne le voyaient pas. Les gens ne le voyaient pas et vous voulez pas le voir ou l'accepter. Et Beate ne l'a pas accepté. Et forcément, attaquant l'homme le plus important du personnel politique allemand, eh bien, ça a déclenché quand même une prise de conscience dans la jeunesse allemande d'abord, mais aussi dans pas mal de cercles, puisque lorsque nous sommes rentrés le lendemain à Paris, je suis Eh bien, nous avons trouvé un gros bouquet de roses rouges qui avait été envoyé par Heinrich Böll, qui l'année suivante est devenu prix Nobel de littérature. Donc, la jeunesse n'était pas seule. Il y avait aussi un certain nombre d'Allemands qui ont repris courage et qui se sont opposés à cette présence multiforme des nazis dans la société allemande. Nous entendrons Beate Klarsfeld au cours de cette nuit. Évidemment, on ne pouvait pas imaginer une nuit, votre nuit rêvée sans elle. On écoutera deux entretiens qu'elle avait accordés à Katharina von Bülow en 2002. Elle évoquait en particulier ce moment décisif qu'a constitué pour vous le procès de Cologne en 1979. On avance un peu dans le temps. Lorsque, en France, on évoque les procès de grands criminels nazis que vous êtes parvenu à faire juger par la suite, on cite le plus souvent le procès de Klaus Barbie en 1987, qui avait connu, bien sûr, un très grand retentissement médiatique à l'époque en France. Mais lorsqu'on a préparé cette nuit, Serge Klarsfeld, vous m'avez dit que pour vous, le procès le plus important, le plus fondamental peut-être, ça a été ce procès de Cologne. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui était en jeu dans ce procès et pourquoi, pour vous, ça a été le plus important peut-être de tous ? Bien, il y avait une situation particulière entre la France et l'Allemagne qui, dans les années Adenauer de Gaulle, avait conclu un traité d'alliance, d'amitié profond. Et les criminels nazis allemands qui avaient opéré en France ne pouvaient pas être jugés. Ils étaient assurés d'une totale impunité. Ils ne pouvaient pas être extradés vers la France parce que la France avait approuvé la loi fondamentale allemande et l'article 16 disait « l'Allemagne fédérale n'extrade pas ses nationaux ». Et ils ne pouvaient pas être jugés en Allemagne parce qu'en 1954, quand l'Allemagne a retrouvé son indépendance aux accords de Paris, la France lui a fait signer un protocole craignant que les magistrats nazis de l'Allemagne fédérale n'acquittent des grands criminels, elle leur a interdit d'être compétents pour les criminels qui n'avaient pas été encore jugés en France. Et lorsque le général Lamerding, le responsable de Radour-sur-Glane, est revenu à la lumière avec des camions portant son nom parce qu'il avait une entreprise de transport, eh bien, la France a demandé son extradition. Elle a été refusée, mais la France a demandé « jugez-le ». Et l'Allemagne a répondu « non, vous l'avez jugé par contumace. Les affaires contumaces sont des affaires non classées. Vous nous avez interdit d'être compétents pour les affaires non classées. On ne peut pas le juger ». La France a dit « signons une nouvelle convention judiciaire vous permettant de le juger et de juger les autres criminels nazis. Eh bien, l'Allemagne a toujours louvoyé, renvoyé aux calendes, et 17 ans après, Willy Brandt, quand il est devenu chancelier, a signé cette convention, mais tout de suite deux des trois partis qui étaient majoritaires entre eux au Parlement, les libéraux et les chrétiens-démocrates, ont dit qu'ils ne ratifieraient pas. Et donc nous, Béate et moi, nous sommes engagés, alors que la France était résignée à ce que ce soit un accord de pure forme, Béate et moi, nous sommes engagés pour faire ratifier cette convention et pour la faire appliquer quand elle serait transformée en loi par la justice allemande. Donc on est parti tout à fait isolé, mais à la fin du processus, quand le procès de Cologne a eu lieu et qu'il s'est terminé par la condamnation et par l'emprisonnement des principaux responsables de l'appareil policier nazi, les supérieurs, les chefs de Barbie, eh bien... À savoir, rappelons leur nom, Kurt Lischka, Herbert Hagen et Ernst Heinrich Zohn. Oui, et Kurt Lischka avait été avant la guerre en 1939, le prédécesseur d'Eichmann à la tête du service anti-juif de la Gestapo du Reich, et Herbert Hagen avait été au SD de Heydrich, celui qui avait formé toute l'équipe de la solution finale. C'était donc deux hommes redoutables qu'on avait envoyés en France, où la situation était délicate, pour régler la solution finale. Et Heinrichson est celui qui a déporté véritablement, personnellement, les 4000 enfants de la rafle du Veldiv. Donc nous avions trois hommes qui représentaient le crime nazi dans son essence en France. Et nous avons réglé avec ce procès le contentieux judiciaire franco-allemand qui découlait de la Seconde Guerre mondiale, et la République française nous en a toujours été reconnaissante. Ce qui est très impressionnant et très frappant à la fois quand on lit le récit que vous faites de ces années qui ont mené jusqu'à cette condamnation au procès de Cologne en 79, dans vos mémoires et dans l'exposition, tous les documents qui sont présentés autour de ce procès, c'est que pour arriver à ce procès, parmi les nombreuses actions que vous avez dû mener, qui ont duré plusieurs années, parce que 79 c'est l'issue, mais vous avez commencé... 71. Voilà, exactement. Et la première chose, c'était de retrouver où étaient ces hommes, Lichka par exemple, que vous n'avez eu aucune difficulté à retrouver. Il me semble qu'il a suffi d'un coup d'œil dans l'annuaire. Ces hommes vivaient librement en Allemagne, menaient une vie absolument normale. Et l'un des épisodes de votre action, ça a été une tentative d'enlèvement assez romanesque, je dois dire, si on peut le dire comme ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous mettez au point cette idée d'enlever Lichka? Oui, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Le colonel Argou de l'OAS avait été enlevé par les forces spéciales françaises en Allemagne. Donc ça nous a sauté, disons, dans la tête, dans l'esprit, que si pour mener une action spectaculaire, il suffisait de prendre un criminel qui était un homme respectable en Allemagne, de le transporter en France où il y avait un mandat d'arrêt contre lui, et puis le problème serait posé immédiatement devant la société politique allemande. On a tenté cela, mais nous étions tout à fait isolés, et réellement c'était dans un restaurant de la place Dauphine, devant le palais de justice, nous en parlions, Béat et moi, et puis des gens qui étaient derrière nous, et qui étaient des jeunes juifs, ont entendu la conversation, et ils se sont portés volontaires pour venir avec pour nous. Pour vous aider, oui, dans ce projet aider. D'enlèvement. Et ils sont partis avec nous en Allemagne, à Cologne, pour tenter cette... Mais Lichka était un homme de à peu près 2 mètres de haut, lourd. Mais lorsque on a tenté de l'enlever, eh bien, il y a un policier qui est descendu du tramway en même temps que lui. Et bon, c'était difficile de le traîner dans une voiture. Bon, un de nos amis l'a assommé. Mais on n'a pas pu le traîner jusqu'à la voiture. Mais ça ne fait rien, je veux dire. La justice allemande a essayé de cacher l'action pour ne pas poser le problème. Et nous avons, au contraire, alerté les médias en disant « on a essayé d'enlever, etc. » Et à ce moment-là, Béat est parti avec le dossier de Kurt Lichka voir le magistrat chargé de l'affaire et... Elle l'a obligé à l'arrêter, puisque s'il l'a laissé repartir, cela voulait dire qu'on pouvait agir illégalement en Allemagne sans être arrêté. Oui, l'objectif, c'était de montrer que si l'Allemagne n'agissait pas et ne faisait pas évoluer les choses pour que ces criminels soient jugés, vous pouviez passer à l'acte. Nous continuerions incessamment à mener des actions illégales, et on en a mené une quinzaine au moins, et à chaque fois c'était nous avons été rejoints par des jeunes de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, par d'anciens orphelins de la déportation et par d'anciens déportés, et on a mené des actions illégales, et à chaque fois on a assumé ces actions illégales devant le tribunal qui était obligé ou de nous condamner ou de nous relâcher immédiatement ou quelques jours après, parce que peu à peu, de France, d'Israël, des États-Unis, d'ailleurs, et d'Allemagne même, il y avait des protestations disant, après tout, il suffit de ratifier la convention judiciaire franco-allemande pour qu'il n'y ait plus ce genre d'action. Cette envie, ces combats pour faire juger ces hommes, comment est-ce que vous avez réussi à ne pas céder à, je ne sais pas ce qu'on pourrait appeler, un esprit de vengeance? Parce qu'après tout, vous aviez été touché très personnellement par leur action. Votre père a été déporté, il a été arrêté sous vos yeux quand vous étiez jeune enfant. enfants, puisque ces hommes étaient à portée de main, vous aviez accès à eux. Est-ce que, à l'époque, vous avez traversé l'esprit de vous venger personnellement, de ne pas les amener, ce que vous avez fait finalement devant la justice? Non, parce que j'ai un tempérament optimiste, Béate aussi, et aussi parce que je crois que ça concerne tous les Juifs, c'est-à-dire que le crime était tellement immense que il n'y avait pas de vengeance possible contre un pareil crime. Tuer le criminel, c'était un règlement de compte. Et la seule vengeance possible, c'était d'obliger les enfants à juger les parents et en les condamnant à faire avancer la démocratie dans un pays qui voulait pas se confronter avec son passé. Donc l'optimisme, c'était de continuer à se battre, mais enfin il fallait avoir la concentration, la volonté de mener ce combat et de lui accorder toute la priorité. Une autre émission que l'on pourra écouter cette nuit, Serge Klarsfeld, celle qui l'ouvrira, c'est un entretien que Claude Lanzmann avait accordé à Laure Adler en 2005 dans le cadre d'une série d'émissions pour A Voix Nue. Claude Lanzmann y raconte quel a été son bouleversement lorsqu'il a découvert le livre que vous avez publié il y a 40 ans exactement, en 1978. Livre qui s'appelle « Le mémorial de la déportation des Juifs de France » et qui recense nom par nom la liste des 76 000 Juifs déportés de France. C'est un livre qui, à l'époque, a fait événement. À son propos, Claude Lanzmann a des mots très forts et très justes. Il dit « la nomination est la sépulture même ». Très belle manière de dire ce qu'a représenté tout particulièrement pour les familles des morts, de ceux qui avaient péri dans les camps d'extermination, mais pas seulement, pour tout le monde. Le fait de pouvoir voir inscrit noir sur blanc le nom de toutes ces personnes qui précisément ont été privées de sépulture. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ce livre? À quel moment vous avez formé le projet précisément de publier ces listes de noms, Serge Klarsfeld? Bien, il fallait préparer le procès, il fallait le préparer par des actions, mais il fallait le préparer aussi... Le procès de Cologne. Le procès de Cologne. Il fallait le préparer par des publications. Il fallait... Un procès, ça se gagne avant. Et c'est un rapport de force. Donc, j'ai publié, par exemple, les documents allemands essentiels de la solution finale, et la plupart étaient signés ou paraffés par Hagen et par Lischka, et par Heinrichson également. Et ce livre en allemand, nous l'avons envoyé à tous les parlementaires allemands et à tous les médias allemands, de façon à ce qu'ils se rendent compte dans le texte que c'était des gens qui étaient coupables. Et c'était important. Deuxièmement, on a également rédigé un acte d'accusation, et en français et en allemand, et on l'a envoyé également à tous ses destinataires. Et puis troisièmement, je ne concevais pas d'aller à ce procès. J'avais quelques centaines de parties civiles que nous avions rassemblées, mais il fallait que tout le monde soit là, c'est-à-dire toutes les victimes soient là. Et comme tous les documents n'avaient pas été détruits, c'était possible. J'ai regardé la possibilité de le faire et je connaissais très bien les archives du Centre de documentation juive contemporaine, qui est aujourd'hui le mémorial de la Shoah. Et j'ai vu qu'il y avait l'essentiel là-bas. J'ai complété par des recherches en Belgique, en Allemagne, en Pologne, aux États-Unis et en Israël aussi. Et j'ai pu publier une liste alphabétique convoi par convoi, en racontant aussi, en expliquant pour la première fois aussi, ce qu'avait été la constitution de chaque convoi et le destin de chaque convoi, c'est-à-dire combien de gens avaient été immédiatement gazés, combien de gens avaient été immatriculés. Et ce mémorial, effectivement, c'est la première fois que les familles, les orphelins ont pu voir le nom de leurs parents et puis savoir quand ils ont été déportés, par quel convoi et quelle avait été l'histoire du convoi. Et ça a été un choc, c'est une sorte... Ça a rendu à la communauté juive sa mémoire meurtrie et depuis elle en a usé et elle a fait un très long chemin. Le pauvre centre de documentation juive contemporaine est devenu le grand mémorial de la Shoah. et nous avons fait un long parcours ensemble. Justement, le Centre de documentation juive contemporaine, il a une histoire quand même assez intéressante parce qu'il est né pendant la guerre, en 1943. Est-ce que vous pouvez nous raconter son histoire ? Oui, il est né en avril 1943 à Grenoble. Il est né pendant l'occupation, mais pendant l'occupation italienne. C'est-à-dire que cette occupation italienne a joué un grand rôle parce qu'elle a permis à 25, 30 000 juifs de se réfugier dans la zone et que les militaires et les diplomates italiens qui étaient opposés sur la question juive à Mussolini ont protégé les juifs au point de ne jamais livrer un juif et aussi en empêchant même parfois en encerclant des casernes où la police de Vichy avait arrêté des juifs et en libérant les juifs qui avaient été arrêtés. Donc nous étions, ma famille, enfin ma mère, ma sœur et moi et mon père, nous étions à Nice, donc sous la protection italienne entre novembre 1942 et septembre 1943 avant que les Allemands n'envahissent la zone. Et dans l'esprit de qui est née l'idée de constituer déjà en 43, si peu de temps après la mise en œuvre de l'idée est venue à un juif russe, un ancien rabbin, Isaac Schneerson, qui a voulu rassembler le plus de documents possibles concernant le sort des juifs pendant la guerre, sachant que peut-être il n'y aurait plus de juifs à la fin de la guerre et qu'il fallait cacher les documents. Et il a eu la même idée que Ringelblum à Varsovie, qui en avril 1943 a été arrêté et mis à mort. Heureusement, Isaac Schneerson a survécu et a eu également la volonté de créer le mémorial du martyr juif inconnu et de faire bâtir en 1956 ce magnifique bâtiment qui est aujourd'hui le siège du mémorial de la Shoah. Dans l'entretien que nous allons entendre tout à l'heure, Claude Lanzmann, en parlant de votre mémorial de la déportation des Juifs de France, de ce livre publié en 1978, dit avec affection se souvenir avoir tenu entre ses mains ce gros livre mal broché. Mal broché, il l'était en effet, parce que vous avez eu bien des difficultés malgré tout à le publier, ce livre, et vous avez reçu assez peu de soutien à l'époque. Comment est-ce que vous expliquez que finalement vous avez été assez seul, en tout cas dans un premier temps? Bah oui, c'est-à-dire que nous sommes allés proposer le livre, une fois qu'on l'a constitué, ça a forgé l'âme de notre association des fils et filles des déportés. Nous l'avons créé, ce mémorial, en recopiant les listes sur des fiches en carton avec le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance, et c'était un long travail. Et on pleurait souvent en faisant ce travail parce qu'on voyait des familles entières qui étaient séparées. Le père partait par un convoi, la mère par un convoi. Les enfants étaient séparés, partaient par plusieurs convois. Et donc c'était un travail très très dur. Et lorsqu'on a terminé le travail, on l'a porté à des responsables d'organisations juives, mais ils ne voulaient pas le publier. Et la principale raison était, on a toujours parlé du point de vue officiel, je parle du ministère des anciens combattants, on a toujours parlé de 100 à 120 000 déportés, et vous en avez trouvé 76 000. C'est une absurdité. J'ai dit, c'est pas une raison, il faut se réjouir qu'il n'y en ait eu que 76 000 et pas 100 à 120 000. Mais c'était pas leur mentalité, et à l'époque, les dirigeants, lorsqu'ils prenez la parole, parlez les 2 ou 3 millions de juifs qui sont morts à Auschwitz. La précision, les chiffres, la recherche de la vérité n'étaient pas encore à l'ordre du jour. Et donc nous avons publié le mémorial nous-mêmes et forcément il n'était pas parfait au point de vue reliure. Est-ce que vous avez le souvenir de la découverte de Shoah, le film de Claude Lanzmann? Je sais que vous l'avez bien connu par la suite, vous le connaissez, vous êtes son ami. Mais est-ce que vous avez vu le film tout de suite en 1985, au moment de sa sortie en salle? Oui, j'ai vu le film tout de suite. Bon, Claude Lanzmann, c'est un génie. Alors, c'est une œuvre poétique, artistique, et en même temps un travail qui rejoint le mien par la précision, c'est-à-dire quand il interviewe les déportés, mais surtout quand il interviewe les les bourreaux nazis, et il le fait avec une intelligence, avec un tact pour chercher, obtenir la vérité, qui est hallucinante. Et je veux dire, c'est une œuvre qui est une œuvre impérissable. Tout le monde aujourd'hui rend hommage, mais à Claude Lanzmann. Mais Claude Lanzmann a eu les mêmes difficultés que nous, parce que lui, pour faire un film, avait besoin d'argent, et c'était très dur, et il expliquait la nécessité de faire ce film. Heureusement, il a trouvé des soutiens, mais ça a été pour lui la même chose que pour nous, c'est-à-dire une période d'une dizaine d'années qui ont forgé sa volonté. Une autre personnalité que vous avez souhaité que l'on évoque au cours de cette nuit, Serge Klarsfeld, c'est celle de l'écrivain Arthur Koestler. On écoutera tout à l'heure une émission qu'Alain Finkielkraut lui avait consacrée en 2005. Et lorsqu'on a préparé cette nuit, vous m'avez en particulier parlé de La Lie de la Terre, ce livre écrit en 1941 et dans lequel Arthur Koestler raconte son internement entre le mois d'octobre 1939 et le début de l'année 1940 au camp du Vernet. Est-ce que vous pouvez nous parler, nous dire l'importance de ce livre pour vous, pourquoi il vous est cher? C'est un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre qui concerne la France et que devraient lire beaucoup, beaucoup de Français. Il a été écrit en 41 aux États-Unis, à la fin de l'année 41, quand Koestler a réussi à s'enfuir de France et à gagner les États-Unis. Et le premier livre écrit sur la Shoah est un chef-d'œuvre. La Lie de la Terre, c'est les tribulations de tous ces réfugiés allemands, juifs ou non-juifs, qui combattaient le fascisme et qui, en France, ont été persécutés par la Troisième République. Voilà, parce que d'être... Ils ont été internés comme allemands ressortissants du Troisième Reich en 1939. De 1939 à 1940, alors qu'ils étaient des combattants contre le fascisme. Et en octobre 1940, après la défaite, ils ont été internés non plus qu'en tant que ressortissants du Troisième Reich, mais en tant qu'étrangers de race juive. Et forcément, leur destin, à la grande majorité d'entre eux, a été de finir à Auschwitz, dans les chambres à gaz, voilà. Le récit de ce qui se passait entre 1939 et mai 1940 montre à quel point la gangrène fasciste avait atteint la Troisième République et à quel point la xénophobie était et l'antisémitisme étaient devenus monnaie courante, et ce qui fait qu'il n'y a pas eu tellement de changements entre cette Troisième République et agonisante et le régime de Vichy. C'était Vichy avant Vichy, en quelque sorte. Avant Vichy. Je crois que vous souhaitiez qu'on entende un extrait du livre. Vous avez amené le livre avec vous et vous vouliez en lire un passage, Serge Klarsfeld. Oui, un petit passage. C'est celui où pour la première fois, il est arrêté, Arthur Koestler, et il se retrouve à la préfecture de police. Je lis un court passage. « Nous étions 30 environ qui avions à passer une seconde nuit dans la cave à charbon et à revenir le matin suivant, pareil à une procession de fantômes, noirs et sales de poussière de charbon, la peau irritée, les yeux enflammés, malades d'insomnie et de nausées, jusqu'à nos rangées de fauteuils dans cette salle de cinéma. » Les flics rasés de frais, dans leurs uniformes flambants, nous dévisageaient avec un dégoût méprisant. Ils lisaient les journaux du matin, et ce matin, justement, les journaux publiaient un communiqué officiel expliquant que la foule des étrangers qui venaient d'être arrêtés dans les derniers jours par notre vigilante police représentait les éléments les plus dangereux du Paris interlope, la véritable Lie de la Terre. Et donc, Arthur Koestler s'est retrouvé la Lie de la Terre alors qu'il sortait d'avoir été condamné à mort en Espagne, alors qu'il était un véritable combattant de la liberté, et ses compagnons, la plupart d'entre eux sont morts. Ont été assassinés, je dirais. Hélas, et livrés aux Allemands. Ouais, là, dans l'émission qu'on pourra écouter Tout à l'heure sont rappelées aussi les autres étapes de sa vie, qui est une vie absolument extraordinaire. Il a connu la plupart des grands drames du siècle, du XXe siècle. Une extraordinaire intelligence, lucidité et un talent fou pour écrire des romans politiques comme Spartacus, comme La Tour d'Ezra, comme Le Zéro et l'Infini, qui est toujours en avance sur son époque et toujours... Comme il était en avance sur son époque et qu'il écrivait de grands romans qui sont des œuvres sublimes, il aurait dû avoir le prix Nobel de littérature, eh bien il entraînait avec lui les opinions publiques et il formait des générations. Voilà un homme absolument indispensable à l'humanité. Dans la première partie de cette nuit, Serge Klarsfeld, on écoutera également un épisode d'une série d'émissions que Marc Kravetz avait consacré en 2006 à la longue histoire du conflit israélo-arabe, épisode qui se penchait en l'occurrence sur la guerre des six jours, racontée ici par des témoins, jeunes soldats de l'armée israélienne à l'époque qui racontaient le déclenchement des hostilités le 5 juin 1967, puis la victoire écrasante d'Israël qui en six jours seulement occupa la Cisjordanie, la bande de Gaza, le plateau du Golan, le désert du Sinaï et la partie est de Jérusalem, et ce avec des conséquences politiques évidemment très lourdes dans la suite de l'histoire du conflit. En juin 1967, lorsque vous avez appris l'éclatement de la guerre des six jours, vous étiez en France, Serge Klarsfeld, vous étiez employé par une firme, la Continental Grain, à Paris, je crois, et vous décidez à ce moment-là, immédiatement, avec un ami, de vous rendre à Tel Aviv. Qu'est-ce qui vous a poussé à partir en Israël tout de suite à ce moment-là? Tout d'abord, l'attachement que j'avais vis-à-vis d'Israël. Lorsque j'avais 12 ans, ma mère m'habille dans un collège à Châteaudun parce que je me conduisais mal à Paris. Et à Châteaudun, j'étais très malheureux. Les conditions étaient très mauvaises et l'encadrement était très mauvais également. Et je m'échappais le matin pour aller à la librairie et voir les nouvelles de Palestine pour savoir ce qui se passait avec la guerre d'indépendance. En 48. Mon attachement est venu de là. Et puis ensuite, je me souviens, en novembre de la même année 48, je suis allé pour un travail pratique de 5e à l'école, au lycée Claude Bernard. Je suis allé à l'Assemblée Générale des Nations Unies, qui était au Trocadéro à l'époque. Et je suis arrivé dans un débat sur Israël, et j'ai entendu éructer, crier les délégués arabes d'une telle façon que j'ai compris que la haine anti-juive se poursuivrait. Et en 53, je suis allé travailler au kibboutz pendant quelques semaines. J'ai visité Israël de 1953. Et puis, je suis revenu en Israël plusieurs fois. J'y ai fait une étude sur l'économie coopérative. J'ai emmené Béat en 66. Et en 67, il m'a paru tout naturel. Et à mon ami Joseph Enas, que nous achetions tout de suite nos billets d'avion, parce que on savait qu'il y aurait un engagement aérien, et que au terme de l'engagement aérien, tous les volontaires qui étaient allés à l'ambassade pour partir en Israël, ils pourraient pas partir si Israël perdait cet engagement aérien. Donc nous avons pris tout simplement notre billet d'avion par Air France. L'avion était à moitié vide, ce qui m'a donné une leçon sur ce que c'est que d'être volontaire. Être volontaire, c'est vraiment avoir la volonté de partir par les moyens les plus rapides. Et nous avons pris l'avion pour Tel Aviv. Il a été dérouté sur Athènes parce qu'il y avait l'engagement militaire aérien. Et le lendemain, Israël a envoyé un avion à Athènes pour ramener les volontaires. Et bon, on n'avait plus besoin de volontaires parce que l'engagement aérien... L'aviation égyptienne a été détruite en l'espace d'une seule journée. Ouais. Mais j'ai vu la libération de Jérusalem. Et j'ai fait la campagne du Golan parce qu'on m'a pris comme correspondant de presse. J'avais encore ma carte de l'ORTF. Oui, on va y revenir, mais il faudra raconter que vous avez connu cette maison. Je suis allé donc avec les unités israéliennes. Je suis allé jusqu'à Kouneitra en Syrie. Et les camarades qui étaient avec moi, enfin les soldats qui étaient avec moi, les officiers, ont décidé de créer un kibboutz à cet emplacement, en face de Kouneitra, et c'est le kibboutz Meron HaGolan. Et 13 ans après, mon fils a fait sa bar mitzvah laïque, parce qu'il n'est pas juif aux yeux des orthodoxes juifs, puisque sa mère n'est pas juive. Et donc j'ai retrouvé mes anciens camarades militaires devenus des kibboutzniks à Meron et Golan, et Arnaud a fait sa bar mitzvah laïque, a travaillé là-bas au kibboutz Meron et Golan. Merci beaucoup Serge Klarsfeld, on se retrouvera tout à l'heure au mi-temps de cette nuit pour évoquer la suite de votre programme, mais pour le moment place à sa première partie. Donc dans un instant nous allons pouvoir écouter Claude Lanzmann au micro de Laura Adler dans l'un des entretiens qu'il lui avait accordé en 2006, puis l'émission de Marc Ravel consacré à la guerre des six jours dans une série qui s'intitulait Mémoire israélienne, mémoire palestinienne, diffusée la même année. On écoutera une émission Une vie, une œuvre consacrée à Giacomo Casanova, proposée par Françoise Esteb en 2012. On n'a pas eu le temps de parler de ce choix-là, mais vous nous direz tout à l'heure ce que Casanova représente pour vous. Et puis enfin donc l'émission Réplique d'Alain Finkielkraut sur Arthur Koestler dans une émission qui date de 2005.